Ces jours-ci, en Corée du Sud, les conservateurs complices de Park Geun-hye trompent l'opinion publique en vue de s'échapper à leur ruine. À ce propos, le Centre d'études de la réunification de la patrie a rendu public l'acte d'accusation sous le titre « Dénonciation des crimes outrageants du pouvoir traître, auteur de la faillite de la vie populaire et de la catastrophe de l'économie sans précédent ». L'acte relate les démarches des conservateurs sud-coréens comme ceux du Parti de Corée du Sud libre et du Parti juste qui, à la veille des présidentielles, font de la publicité autour d'une stabilité de la vie populaire et d'un rétablissement de l'économie et mettent au grand jour la pire situation en la matière causée par les conservateurs qui s'opposent de nouveau à l'aspiration de la population pour une société, une politique et un monde nouveau. L'acte appelle aussi tous les Sud-Coréens à faire preuve encore plus de l'enthousiasme et de la vigueur manifestée pour détrôner Park Geun-hye avec la bougie de la justice, afin d'infliger un coup mortel décisif aux conservateurs complices de la traîtresse et de fonder à coup sûr un nouveau monde qui assure les masses laborieuses du droit à l'existence authentique.